Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast sur les Mérovingiens, grandeur et décadence. Alors, nous étions en train d'étudier le complexe palatial. Donc, en réalité, les rois mérovingiens ont besoin d'une administration soumise, fidèle, loyale et efficace. Donc, mieux vaut réunir tout le monde dans le même espace. Et pour qu'on puisse mettre tout le monde dans le même espace, il faut avoir en réalité des capacités d'accueil considérables, ce qui fait qu'en réalité les palais ne sont pas en réalité des maisons ou des châteaux d'une pièce, mais sont en réalité des véritables complexes palatiaux, ce sont en réalité des villes dans la ville. Et c'est d'ailleurs l'historien du 19e siècle, le véritable William Scott de notre histoire, eh bien, qui décrit en réalité ces palais mérovingiens comme des énormes ensembles de bois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne reste aucune trace, qui sont des véritables villes, mais organisées de façon extrêmement précise. Alors, la chose la plus importante au départ, c'est qu'il faut que cette ville puisse assurer la fourniture de biens de première nécessité. Donc, on a évidemment des boulangeries, des charcuteries, des moulins, des ferronniers, des orfèvres, des bijoutiers, des tisseurs, des blanchisseurs. Et il faut imaginer que le complexe palatial en général se trouve à côté d'un fleuve qui permet de charrier toutes les provisions nécessaires assez efficacement. Donc le palais de Clichy se trouvait d'ailleurs sur le bord de la Seine. Et sur le bord de la Seine, il y a des entrepôts, des réserves, des granges pour pouvoir entreposer tout ce qui vient par bateau. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, après avoir assuré cette première partie, qui est donc tous les biens de première nécessité, il y a la nécessité de loger les personnes importantes. Et là, nous avons d'abord les appartements royaux, donc le palais royal proprement dit, qui est un des bâtiments, entre autres. Appartements royaux, appartements princiers, appartements du maire du palais, appartements des ministres et appartements des administrateurs civils, c'est-à-dire les comices palatii. Pas les comices tout seuls, mais les comices palatii. Ils ont leur appartement à eux. Ce qui veut dire pouvoir loger aussi sa femme, ses enfants. En général, évidemment, les comices palatii sont des clercs, donc les clercs n'ont pas le droit de se marier à l'époque, hein, même si ils sont pas particulièrement voués à la prêtrise. Mais même ça fait que, il faut quand même trouver de l'espace. Alors il y a aussi de nombreuses salles de réunion, celles où se réunissent les comtes et les leudes, la salle du trône, où les nobles font leur soumission, quand le roi ne reçoit pas des visiteurs étrangers ou des visiteurs illustres, ou quelquefois des plaignants dans des affaires très importantes qui concernent véritablement son propre domaine de compétence juridictionnelle. Il y a d'ailleurs, il faut savoir, un palais de justice. Une garnison qui surveille les allées et venues, mais aussi les entrepôts royaux en dehors de l'enceinte, près du fleuve. Il faut aussi imaginer une basilique. C'est très important. C'est une église, donc, c'est quoi une basilique à l'époque? C'est une église dotée de reliques. C'est ça qui fait qu'on distingue une église d'une basilique, c'est que la basilique est dotée de reliques. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont dotées de reliques, même des petites églises de village. Mais ce ne sont pas pour autant des basiliques. À l'époque, c'est une basilique quand il y a des reliques. Et pourquoi c'est tellement important les reliques? Parce que, en général, lorsque des parties s'engagent par serment à respecter les clauses de leur accord, d'un contrat, en général un contrat un partage, un héritage, une délimitation des terres, etc., eh bien, il faut jurer sur des reliques. Et plus le saint est prestigieux, plus trahir ce serment serait une injure. On se souvient par exemple que les fils de Clotaire Ier, donc Chilpéric, Sigebert et Contran, avaient juré sur les reliques en 567, au moment où ils se partageaient les terres de leur frère qui était mort prématurément. eh bien, ils avaient juré sur les reliques de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, donc saint considérable, donc évidemment, la trahison devait être encore plus grave. Ça n'a pas empêché, évidemment, Chilpéric de trahir son serment plusieurs fois. Et alors, il y a aussi les scriptoriums. Alors, c'est pas tout à fait. Alors, c'est à peu près les mêmes scriptoriums qu'on a dans les monastères, sauf que là, ils sont utilisés aussi, en général, toujours par les moines, parce que c'est eux qui ont une spécialité dans l'écriture des textes. Mais ils sont utilisés là pour surtout écrire les textes de loi, les édits, les ordonnances, tout ce qui concerne les textes de loi. En général, d'ailleurs, on fait appel à des clercs ou aux moines. Et d'ailleurs, il y a en général aussi un petit couvent avec des moines qui sont très utiles parce qu'ils servent d'instructeurs dans l'école du palais. Et aussi de scribes lorsqu'il s'agit d'écrire. Alors évidemment aussi, il y a un petit groupe de gens qu'on appelle les héros, hein, pas du mot héroïque, mais des héros qui proclament, qui vont aller sur les places publiques proclamer évidemment les lois sur la place publique. Ou d'ailleurs les changements de taux de change ou d'autres mesures réglementaires. Enfin, à l'époque, la distinction loi-règlement ne fait pas vraiment. Enfin, c'est pas très important. Mais en tout cas, c'est assez rationnel comme mode d'organisation. Alors, bon, comme je vous disais, tout ça était entièrement construit en bois. C'était d'ailleurs la bâtisse et n'est pas véritablement. Enfin, ce n'est pas construit en réalité pour protéger un endroit. Il y a une palissade de bois qui délimite l'ensemble du complexe palatial, mais ce n'est pas tellement en réalité pour soutenir un siège ou pour soutenir une guerre. En général, les palissades de bois qui servent à délimiter cet ensemble sont très joliment décorées, avec des bas-reliefs. Quelquefois, c'est de la dentelle de bois, on pourrait dire. C'est plus là pour, en réalité, marquer une différence, une distinction, peut-être une différence juridictionnelle. Quand on rentre dans l'espace du palais, eh bien, les lois sont un peu différentes, sont un peu des lois d'exception. Mais ce n'est pas du tout des palisses, c'est pas du tout des murailles en réalité. Et il y a quelquefois des tours, mais les tours elles-mêmes sont des tours de guet qui permettent de savoir si en effet le danger peut venir ou pour pouvoir dire si les fournitures arrivent correctement par bateau. Mais c'est voilà et tirer et peut-être sonner la cloche quand on voit arriver le danger ou on avertit que quelqu'un d'important est en train d'arriver, etc. Mais c'est pas du tout. On n'est pas dans, il n'y a pas encore de château fort en fait. Le château fort n'est pas, on n'est pas encore à l'époque du château fort. C'est pas le Moyen Âge du château fort. Et donc bon, alors nous allons continuer parce que c'est quand même un élément très complexe et c'est intéressant de le voir en détail. Nous allons continuer dans le prochain podcast sur la façon dont cet espace est organisé et dont toute cette vie en réalité autarcique fonctionne. C'est l'objet de notre prochain podcast. Merci et à bientôt.